ça peut vous arriver. Place maintenant à Julien Courbet, à toute son équipe. Et à demain, Jérôme. Merci beaucoup à tous et nous allons effectivement démarrer maintenant les missions d'RTL. Vous êtes nombreux à nous appeler. Nous démarrons avec l'histoire de voiture que nous racontera Frédéric. Je vous appelle du Nord. Cela fait 9 mois que j'attends la carte grise d'un véhicule acheté plus de 13 000 euros à un professionnel. Le problème viendrait d'une société de crédit. Nous aurons également le cas de Philippe. Je vous appelle du Cher. J'ai payé 1924 euros pour une commande de meubles. Je devais tout recevoir en mai. Comme on n'arrête pas de me balader depuis des mois, j'ai demandé l'annulation. Et évidemment, pour cela aussi, rien n'arrive. Bien sûr, à ces deux personnes, nous dirons « Si tu savais combien je t'aime ». Mais nous conseillerons évidemment tout le monde avec la Dream Team qui est là. Il y a la grande avocate pénaliste, Maître Noakovic, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a Maître Felloneau. Bonjour à tous. Il y a Hervé Pouchol et Bernard Sabat pour négocier. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là. Alors n'hésitez pas, faites appel au 9h30, 11h d'RTL. Pour nous joindre, vous pouvez faire le 3210. 50 centimes la minute. Et ou bien gratuitement Facebook, la page ça peut vous arriver, ou RTL.fr. Vois-tu, alerte ou patraque, peut-être victime d'une arnaque. J'ai quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. J'accueille Frédéric sur l'antenne d'RTL. Bonjour Frédéric. Bonjour Julien, bonjour à tous. Frédéric, vous nous appelez d'où ? Du Nord. Alors, le grand à côté de Marchienne. Très bien, Frédéric, pouvez-vous raconter aux auditeurs d'RTL le but de votre appel ? En fait, ouais, j'ai acheté un véhicule au mois de janvier chez un concessionnaire de la marque et depuis maintenant, en fait, il ne trouve pas la possibilité de faire la carte grise. Aïe, aïe, aïe, que je n'aime pas quand ça démarre comme ça. Vous l'avez acheté 13 236 euros et vous n'avez pas la carte grise, ce qui veut dire qu'on rappelle juridiquement, Maître Noakovic, que tant qu'on n'a pas la carte grise, on n'a pas la voiture, même si on a payé, c'est le titre de propriété. Absolument, Julien, il faut toujours exiger la carte grise, faute de quoi vous refusez le véhicule, vous refusez de payer quoi que ce soit. Alors, on se tue à le dire, hein, c'est vraiment au moins l'avoir. Bonjour, monsieur, je voudrais acheter cette voiture. Parfait, monsieur, elle vaut 19 000 euros. Est-ce que vous pouvez me montrer la carte grise ? Ah, ben, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que ça m'arrange pas. Bim, je m'en vais en courant. Il l'a ou il ne l'a pas. S'il ne l'a pas, c'est qu'il a peut-être pas payé sa voiture. Or là, quand évidemment on fouine un peu, qu'est-ce que l'on découvre, Maître Noakovic, que le problème pourrait venir de la société de crédit qui n'arriverait pas à mettre la main sur la facture du précédent propriétaire. Oui, alors là, c'est vraiment dramatique. Alors expliquez-nous. Ah oui, en fait, sur le dernier message que le directeur m'a laissé, il n'arrive pas à récupérer en fait la facture d'achat de l'ancien propriétaire. Alors apparemment, ils auraient mis un symbole, ils auraient mis un point, une virgule, quelque chose. Donc il essaye, hein, il retourne tout pour essayer de passer même manuellement en fait des factures d'achat. Mais j'essaie de comprendre. Vous êtes rentré chez un concessionnaire Peugeot, d'accord ? Oui. Vous avez acheté votre voiture ? Oui, j'ai eu le certificat de cession, le double des clés. Ok. Donc aujourd'hui, voilà. Peugeot ne vous donne pas. Alors attention, c'est pas un petit garage parce que là, pour le coup, on est les premiers à vous dire rentrer dans des grandes concessions Citroën, Fiat, Peugeot, tout Renault. À fait, c'est oui, un grand garage Peugeot et il n'est pas capable de vous donner la carte grise. Donc pour moi. Pour moi, alors, je pense que le plus simple maintenant, s'il ne peut pas l'avoir rapidement, il vous rembourse sa voiture et puis basta. C'est ça. Mais vous voulez la garder ? Ah bah oui, parce qu'en fait, on a essayé un échangeur standard, mais ça n'a pas fonctionné parce que bon, il y avait plus de GPS dans la nouvelle voiture qu'il me proposait. Ouais. Est-ce que le remboursement pourrait vous aller ? Parce que la carte grise, là, ça peut prendre des mois. Ouais, enfin là, ça fait 9 mois qu'on attend. Mais oui, bien sûr. Après, je suis ouvert à tout. D'accord. Soucis, hein. Écoutez, c'est quand même dingue qu'une grande marque comme ça ne puisse pas livrer une carte grise. Alors, ça pourrait vouloir dire quoi ? Que le précédent n'a pas complètement soldé le crédit ? Oui, ça veut dire que le dossier n'est pas bouclé en ce qui concerne le précédent. Acquéreur, donc il faut absolument avoir au téléphone la banque pour qu'elle s'explique. Alors, on va voir maintenant un petit peu plus d'informations grâce à Elle voit tout en rouge, avec elle ça bouge. Charlotte rire ou bien Charlotte larme, on est sous le charme. Charlotte, vous avez pu enquêter là-dessus. Merci pour cette introduction, c'est sympa. Donc je voulais simplement vous préciser que pour qu'il puisse rouler quand même avec son véhicule, le garage a fait à Frédéric refait régulièrement des certificats de cession post-datés. Oui. C'est quand même pas l'idéal. D'accord, c'est pas l'idéal, mais encore une fois, c'est parce qu'il est dans une grande marque. Hein, quand je me tue à vous dire rentrer dans des grands concessionnaires et acheter une voiture sur le parc d'occasion, quitte à prendre un modèle un petit peu moins bien, mais il y a un vrai suivi. La preuve, c'est qu'il a quand même une voiture en permanence, qu'ils ne le laisseront pas tomber. Maintenant, Voilà. Et ça, je veux que ce soit dit. Voilà, Peugeot fait tout ce qu'il faut pour son client. Ils sont embêtés. Oui. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'en 2018, ils n'arrivent pas à régler un problème de carte grise. Donc, nous allons les appeler dans une seconde, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. Il est en droit de demander le remboursement maintenant. Parfaitement. Apparemment, ils n'ont pas effectivement accompli ce qu'ils devaient faire. Ils doivent même proposer cette revente, mais apparemment, notre éditeur ne veut pas. Alors. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. On va appeler Peugeot. On s'entend très bien avec eux. Grande marque. En général, on arrive à avancer. Et ça sera d'ailleurs peut-être pour nous l'occasion de leur dire « Si tu savais combien je t'aime !» Ça sera sur l'antenne d'RTL. Il y aura un deuxième cas derrière, Céline. On parlera de Philippe. Il a payé plus de 1 900 € pour des meubles qui devaient arriver en mai. Et depuis, rien. Et beaucoup de messages arrivent en nous disant « Comment se fait-il que vous soyez première radio de France ?» Avec ces deux guignolos. A tout de suite sur RTL. Merci. RTL. Votre Astro 2019. Christine Haas, Laetitia Nallé. Comme chaque année, le 1er janvier dès 9h30, Christine, vous nous direz tout sur les 12 signes du zodiaque. Oui, tout ce qui vous attend, signe par signe, pour cette nouvelle année. 2019, une année pleine de surprises à découvrir, signe par signe, le 1er janvier dès 9h30 sur RTL. À demain. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter la dernière offre de l'année. Chérie ? Oui ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le nouvel an ? J'aimerais bien des perles. Ok, combien de douzaines ? Aujourd'hui, pour l'achat d'une bourriche d'huîtres fine de Claire Marraine Oléron numéro 4, la deuxième est offerte et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. La bourriche de 1,5 kg, soit 2 douzaines minimum, élevée en France. C'est le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Toujours sur ce cas de voiture de Frédéric. Frédéric achète une voiture à plus de 13 000 €. Ça, c'était en janvier et depuis, pas de carte grise. Eh bien, nous ne comprenons pas. Il a acheté ça dans une grande concession Peugeot et il a eu raison. Je lui dis, il a eu raison parce que du coup, il y a un vrai problème. Mais Peugeot fait en sorte qu'il ait tout le temps une carte grise provisoire, lui a déjà proposé un échange. Maintenant, il voudrait que cette situation cesse parce qu'elle dure depuis 9 mois. Mais voilà ce qui se passe quand on rentre chez un grand. Il serait passé par un petit garagiste. Comme on en a parfois, heureusement, il y en a plein de petits garagistes honnêtes, il n'y a aucun souci, mais qui n'a pas payé la voiture, il n'aurait rien du tout. Appelons-les, c'est parti, nous appelons Peugeot, qui se trouve Peugeot à Villeneuve-d'Ascq. Peugeot ? C'est ça. Ben oui, pourquoi pas. Bonjour, voilà, c'est de deux façons. Allô ? Dans le cadre de notre démarche qualité, cet appel est susceptible d'être enregistré. D'accord. Nous attendons. Bonjour Malika, votre écoute, Capuchin pour vous. Bonjour, c'est Julien Courbet à l'appareil, monsieur, nous sommes sur la radio RTL. Je me permets de vous appeler pour essayer d'aider un auditeur qui s'appelle Frédéric Dublic, qui malheureusement a un problème de carte grise depuis le 21 janvier 2018. Est-ce que vous pourriez me passer peut-être la direction de la concession ? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Mazur. D'accord, c'est quelle émission ? Alors, c'est Julien Courbet, l'émission RTL du matin. RTL du matin. D'accord. Et ouais. Vous souhaitez s'entretenir avec qui, monsieur ? Alors, je souhaite m'entretenir avec monsieur Mazur, qui est le patron de Peugeot Retail Villeneuve d'Ascq. D'accord, je vais essayer de les contacter. Merci beaucoup. Moi, il est au courant de mon dossier, hein, oui. Qui me donne des nouvelles. Des fois, j'aimerais m'amuser à... Ah, une alerte avec Charlotte, que se passe-t-il ? On a directement monsieur Mazur. Oh, bah, c'est parfait. Bonjour, monsieur Mazur. Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet, monsieur Mazur. Nous sommes sur la radio RTL au moment où je vous appelle. Monsieur Mazur, rien de grave, nous avons un nouveau client. Frédéric Dublic, oui. Qui nous explique, vous savez, son problème de carte grise. Est-ce que vous tout le connaissez ? Tout à fait, alors, parfaitement. Même. Je me suis permis de dire sur cette antenne qu'il avait bien fait d'entrer dans une grande concession Peugeot, parce que vous faites tout pour essayer... Alors déjà, il a toujours des cartes grises provisoires, il peut s'en servir, vous lui avez fait des propositions, et vous avez vraiment été très pro là-dessus. Je veux que ce soit dit, que vous le sachiez. Maintenant, deuxième point, il voudrait sortir de là. Alors, comment on s'en sort ? Si jamais on n'arrive pas à débloquer la carte grise, est-ce qu'on ne partirait pas sur un remboursement de la voiture, quitte à faire une cote mal taillée, parce que si vous voulez, maintenant, il a vraiment, au bout d'un an, enfin 9 mois, je crois, envie d'avoir sa voiture à lui. Voilà. Alors je suis entièrement d'accord, on l'avait déjà proposé, hein, le remboursement, en fait, du véhicule. Ah bon ? Moi, il m'avait parlé d'un échange, Frédéric, L'échange. Bonjour, mais pas un remboursement. Ah non, mais quand on s'était rencontrés, donc ça date de mars, ouais. Cette triste affaire, hein, j'ai envie de dire. J'ai rencontré ces messieurs dames qui sont vraiment des Monsieur Mazur, excusez-moi de vous couper la parole, mais pour pas perdre de temps, est-ce que vous lui avez proposé clairement un remboursement ou un échange ? Alors, on a proposé en fait un échange de véhicule qui a été fait. Messieurs dames, en fait, on souhaitait récupérer l'autre véhicule. Oui, parce qu'il n'y avait pas de GPS, je crois. Tout à fait, tout à fait. Mais il n'y a pas eu de remboursement proposé. Non, puisque c'est pas venu dans. Mais je suis prêt à le faire. Hein, c'est pas... Non, mais je dis pas. Non, monsieur. Alors attention, monsieur Mazur, je ne dis pas que vous ne voulez pas le faire, mais comme vous m'avez dit. Comme moi, je suis là pour vous appeler pour ça et que vous me dites, je lui ai proposé un remboursement, il l'a refusé, j'allais lui dire, mon pauvre Frédéric, pourquoi m'appelez-vous? Mais en fait, c'est une confusion, il n'y a pas eu de remboursement, on est d'accord? Non. Ok. Alors, qu'est-ce que Frédéric, aujourd'hui, monsieur, déjà, est-ce que vous pensez? Lui, il aime bien sa voiture, il est content, de vous, il est content de tout le monde, il veut juste avoir sa carte grise. Est-ce que vous pouvez penser l'avoir dans les semaines qui viennent ou est-ce que c'est fichu? Je vais être très transparent, on a relancé, on relance, j'ai encore laissé un message il y a une dizaine de jours à monsieur. Il y a une solution en fait qui est, on a décroché en fait la date, parce qu'en fait faut juste passer une déclaration d'achat sur cette voiture et crédit pas en fait à une... un souci technique sur l'auto. Donc la semaine dernière, on a récupéré une date qui a fonctionné pour passer le véhicule. Par contre, maintenant, on n'a pas l'ancien titulaire, si vous voulez. Il y a certainement une erreur, soit par la préfecture ou chez nous, on appelle ça la NTS. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas de... Alors, Frédéric... De solution. Donc, on avance sur le dossier, croyez-moi. Non, mais je vais pour pas faire perdre de temps à tout le monde. Voilà, Frédéric, il y a deux solutions. Soit, maintenant, vous attendez. Ça prendra le temps que ça prendra et je pense que monsieur est incapable, et je le comprends, de vous dire combien de temps ça prendra. Soit c'est le remboursement de la voiture et on n'en parle plus, et puis vous allez chez lui en acheter une autre qui n'aura pas de problème avec Crédipart. Qu'est-ce que vous voulez réfléchir 30 secondes, Frédéric ? Oui, on peut. Bah non, mais je peux rencontrer Monsieur Mazur. De toute façon, on l'a déjà fait se rencontrer et puis on peut voir pour un autre véhicule, pourquoi pas. C'est pas. C'est vrai que le nôtre nous plaisait très bien. Frédéric, pardonnez-moi, vous savez qu'on parle de que les dossiers n'avancent pas parce que j'en ai à peu près 2000 qui m'attendent. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement, Frédéric? Bah, je vais rencontrer Monsieur Mazur. On va rencontrer Monsieur Mazur et voir pour l'échange, à mon avis. Je vous appelle tout de suite après. Allez, c'est super, Monsieur Mazur. Et je le redis. Mais sachez, ce qui compte chez nous, c'est, j'espère que... La satisfaction du client. Voilà, c'est la satisfaction tout à fait. Du client. Il nous l'a dit, et on l'a dit, quand vous réécouterez en podcast cette émission, vous verrez que là-dessus, on a été très clair, parce qu'il y a beaucoup de garages qui ne font pas le quart de ce que vous avez fait pour qu'il puisse utiliser sa voiture. On sait à quoi s'attendre quand on rentre chez Peugeot, de toute façon, voilà, c'est ça. Eh ben, voyez, c'est magnifique. Et puis, je vous le dis tout de suite, ce n'était pas prévu, mais l'avocate de l'émission, Maître Novakovic, nous dit à l'instant qu'elle ira acheter une Peugeot chez vous. Et de Paris. Donc, je lui donne l'adresse. Maître Novakovic, vous irez 100 boulevard de l'Ouest. Vous demandez Monsieur Mazur à Villeneuve-d'Ascq et vous reviendrez avec une Peugeot. Non, je n'échangerai en rien ma voiture. Attention, je vous appelle sinon. Hein, mais vous avez raison. Et ceci étant dit, elle est en vente, j'ai toujours pas compris la super Peugeot électrique. La légende. Celle dont tout le monde parle, oui, celle-là. La légende. Pas pour l'instant. Hein, vous allez faire un carton avec ça. Je vous appelle. Magnifique. Je ne serais pas surpris de vous voir sur un yacht aux Bahamas une fois qu'elle aura été commercialisée. Je vous souhaite une bonne journée, Monsieur Mazur. Merci à vous. Merci, Frédéric. Au revoir à toute l'équipe. Au revoir. Merci, Julien. Allez, tenez-nous au courant, mais ça va s'arranger entre gens intelligents, tout va bien. Hervé, vous récupérez tout ça pour qu'on ait du nouveau. Bien. Maître Novakovic, juste une petite conclusion de règle d'or. La règle d'or. Sur RTL. Vraiment, sur cette carte grise, là, il a eu de la chance et c'est ce qu'il faut. Il va dans des grands groupes. Sinon, on ne s'engage pas. On ne prend pas le risque. Ah ben, on ne s'engage pas. Ça peut même être un véhicule. Alors, pas bien sûr chez Peugeot, mais je veux dire, ça peut être un véhicule volé. Donc, ne jamais accepter un véhicule, d'acheter un véhicule sans la carte grise. Donc, vous exigez à voir cette carte grise avant d'acheter un véhicule. Alors là, on a trouvé une solution. Maintenant, vous devez être en train de vous dire, on aimerait bien comprendre ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je vous propose, Maître Novakovic, qu'on appelle quand même l'organisme de crédit, d'autant plus que l'organisme de crédit appartient au groupe Peugeot. Donc entre eux, ils devraient pouvoir le faire. Même si on a une solution, allons un petit peu plus loin. Vous me préparez le numéro, le temps d'écouter ce petit chef-d'œuvre sur RTL. Pour au fond pas toucher. Robert. Juste une illusion en ce 31 et nous allons appeler l'organisme de crédit pour leur souhaiter déjà une bonne année, mais surtout pour avoir une explication sur le cas de Frédéric juste après la pause. Que cette dernière journée de 2018 soit la plus belle pour vous, en attendant le meilleur pour vous tous, ce que vous souhaite le 9h30-11h. D'ores et déjà, permettez-moi de vous le dire, bonne année 2019. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Du 1er au 24 décembre, Grand Frais a fait gagner aux auditeurs d'RTL des bons d'achat de 200 euros. De quoi garnir vos tables pour les fêtes de fin d'année. Eh ben, je suis très heureuse et puis ça va faire un réveillon un petit peu mieux. Il y aura entre autres donc du foie gras et puis des huîtres. Des gros plateaux de crudités, les crustacés aussi, pas mal. Un petit peu de tout, quoi. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes. Merci Grand Frais et de très bonnes fêtes à tous sur RTL. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Bonjour, c'est Flavie. Juste pour vous dire que je pense à vous et que je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Joyeuses fêtes sur RTL. En 2018, vous n'avez pas mangé assez de fruits ni de légumes. Vous n'avez pas réparé le robinet qui goûte. Vous n'avez pas été courir tous les matins, ni aucun matin en fait. Vous n'avez pas pensé à l'anniversaire de votre mariage, mais vous avez encore une chance, oui, de finir l'année en beauté avec les 10 millions d'euros. Du loto. Ce lundi, jackpot loto du nouvel an de 10 millions d'euros minimum. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ, jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Écoutez bien. Vous n'entendez rien? Non? Toujours pas? Et pourtant, ils sont là. En France, plus de 150 000 personnes vivent dans la rue et dans l'indifférence. Aidez-nous à agir. Donnez sur don.fondationabbépierre.org. Merci. Fondation Abbé Pierre. Être humain. Monoprix. Tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant, n'est-ce pas? Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pétille le plus fort. C'est Noël chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle, 40% de réduction avec la carte pour l'achat de 6 bouteilles sur tous les champagnes Monoprix gourmets jusqu'au 31 décembre seulement. Monoprix, conditions de l'offre et de la carte en magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RT. Nous sommes sur ce cas voiture de Frédéric. Frédéric achète une voiture à plus de 13 000 euros. Ça, c'était en janvier et depuis, il n'a pas la carte grise. Alors, à son actif, il rentre dans une grande concession Peugeot, ce qui fait qu'il a des gens sérieux en face de lui qui vont lui fournir des papiers pour qu'il puisse continuer à garder cette voiture, qui ont déjà fait une proposition d'échange, mais comme il n'y avait pas de GPS, l'échange ne convenait pas. Nous avons eu le directeur de la concession qui nous a dit « s'il faut le rembourser, je le rembourse ». Donc de ce côté-là, tout va bien, le rendez-vous est pris entre Frédéric et sa concession Peugeot. Il est très content et il continuera à être client. Maintenant, on essaie de comprendre quand même ce qui se passe. Parce qu'il y a un problème avec Creditpar, l'organisme de crédit qui ne donne pas la carte grise à Peugeot Villeneuve d'Ascq, alors que ça fait partie du même groupe. Donc appelons-les, Maître Novakovic. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, le mieux c'est de savoir ce qu'il se passe du côté de la banque, même si du côté effectivement de Peugeot, c'est résolu. Pendant que nous faisons le numéro, ça a bien avancé de votre côté, vous avez continué à parler avec eux, Hervé. Alors on essaie de trouver un rendez-vous, mais en tout cas, ouais. Moi je félicite M. Mazur qui est très ouvert à la négociation et qui propose et qui fait tout pour essayer d'arranger cette histoire, ça c'est bien. Est-ce que nous avons un interlocuteur du côté de Creditpar? Ça sonne, on en attend. Alors ce que je vous propose, tiens Bernard, je vais vous mettre à contribution pendant qu'Hervé est en train de discuter. Vous récupérez Creditpar, vous expliquez le but de notre appel et dès que vous avez un interlocuteur qui peut prendre la parole pour non pas répéter l'histoire, mais nous donner du nouveau, alerte. Et vous me le basculez sur l'antenne. Avec plaisir, Julien. Alors comme ça, on peut attaquer le deuxième cas. J'accueille Philippe sur l'antenne d'RTL. Philippe, bonjour. Bonjour, Julien. Comment allez-vous, Philippe? Ça va. Vous nous appelez d'où, Philippe? De Château-Meillan, dans le Cher. Château-Meillan, dans le Cher. Que vous est-il arrivé là-bas, Philippe? Les auditeurs d'RTL vous écoutent. J'ai passé une commande sur Internet pour une chambre pour ma fille, que j'ai payée 1924 euros. Elle devait arriver sous 5 à 10 jours, comme c'était précisé sur la facture. Et n'ayant rien, j'ai recontacté. Ils me font patienter à chaque fois en m'annonçant une date de livraison, en me disant que les meubles sont chez le transporteur. Et quand je suis parti aux vacances au mois d'août, j'avais toujours rien. J'ai annulé la commande et depuis, j'attends le remboursement. Et ils font exactement pareil. Mais bien sûr. Alors quand vous dites une chambre, ce sont des meubles. Parce que je m'étais dit, elle a pris une chambre d'hôtel. 1924 euros. Le Philippe, dis donc. Il la soigne, sa fille. Non, c'est des meubles, Maître Fellono. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bon, une chambre, un lit, etc. Lit, une table de chevet, une commode, un miroir mural, un bureau moderne, une bibliothèque, une armoire à trois portes et deux tiroirs. Et malheureusement, voilà. J'ai peur. j'ai vraiment peur qu'encore une fois, on tombe sur un de ces sites qui prend l'argent des commandes, qui attend que le conteneur soit bien rempli pour pouvoir vous faire bénéficier de ce prix-là. Et tant qu'il n'est pas rempli, il ne vous livre pas et vous sort des excuses avec le transporteur, etc. Ça date du 29 avril. Vous avez vu la date du jour, donc c'est pas possible, maître Félomène. Alors effectivement, ce site, lui, pour tenir informé, il tient informé. Mais justement, tout ce que vous dites est tout à fait exact, puisqu'il informe son client que le fournisseur ne respecte pas ses délais et qu'effectivement, il ne pourra pas livrer dans le délai qui était convenu. Et ensuite, il nous informe que le colis est expédié. Et en fait, c'est faux, puisque depuis le mois de juillet, il prétend que le colis de tous ces meubles est en cours d'acheminement. Moi, je trouve que ça fait bien long quand même. Eh bien, nous allons les appeler. Je demande à Xavier Kassovitch, réalisateur de l'émission, qui malgré tout a la possibilité, peut-être pas de prendre des décisions stratégiques sur l'émission, mais de bloquer certaines actions. Puis-je maintenant lancer l'appel, Xavier Kassovitch ? Il te reste 2 minutes. Voilà, alors le tutoiement, vous l'avez vu, de rigueur, c'est vraiment, là, lui, c'est Radio Bistrot. J'essaie de donner de la grandeur à son poste. 19 ans, Julien. Je le mets sur un piédestal. Monsieur Kassovitch, réalisateur. Oui, t'as 2 minutes. Ben, on appelle maintenant tout de suite, alors. Merci, Xavier. 20 ans que je l'ai en face. Vous vous rendez compte, c'est ce qu'on se disait, on se voit plus qu'avec nos femmes respectives. Alors, non, c'est un peu faux. Moi, je vois plus la sienne que lui, mais... Mais c'est vrai qu'on se voit depuis 20 ans, 1h30 par jour, en face à face. Je connais n'importe lequel de ces détails. Le moindre point noir, la moindre cicatrice, je pourrais vous le dire. Tapez 2 pour une nouvelle commande. Tapez 3. Allez, vous récupérez. Je veux une petite alerte, s'il vous plaît, Hervé. Nous nous retrouvons dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. De quoi s'agira-t-il d'ailleurs, Céline ? On partira avec Stéphane en Espagne. Il a réservé un appartement. 3 heures avant d'arriver sur place, on lui annule sa réservation. Et pourtant, il paye 490 euros. Ça se passe dans une seconde sur RTL. Qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens, comment faire pour faire autrement que ça. Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi, comment faire pour que je t'oublie, dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveille-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit, titubant, titubant, sous je fuis. Je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. Boulevard Désert. Je me dis que toi aussi, extrait de la compilation double CD Les Hits RTL 2018, où vous retrouvez tous les hits de l'année, hein, 40 tubes que vous avez adoré entendre sur RTL cette année. Et démarrez l'année 2019 en vous marrant avec moi. Venez le 12 janvier au Casino de Bordeaux, où je jouerai mon one-man show au Casino Barrière de Bordeaux à Bordeaux-Lac le 12 janvier, samedi soir, et le lendemain, dimanche après-midi, le 13, on est à Tarbes, au 7. Bonne année! Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonne journée sur RTL. Picard. Le moment de passer à table. La langouste juste rôtie. Et sa chair qui fond sur la langue. Je ne sais pas vous, mais moi, ce réveillon Picard, je ne vais en faire qu'une bouchée. Jusqu'au 31 décembre, avec la carte Picard et moi, les queues de langouste blanche des Caraïbes sont à seulement 44,90€ le kilo, au lieu de 59,90€. Picard, chaque jour un goût nouveau. Voir conditions en magasin sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. Parce que la foi est un trésor qui se partage. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance, de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur denier.catholique.fr. Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don. Le passage au prélèvement à la source ne modifie en rien le montant de cette déduction. J'aime ma cure thermale à Amélie-les-Bains. Pour soigner ma bronchite chronique, les vapeurs thermales renforcent mes poumons, libèrent mon souffle et je respire un air pur sous le soleil catalan. Pour vos infections respiratoires, prenez un nouveau départ à Amélie-les-Bains. Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre vitalité. Chaîne thermale du soleil, agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 01 88 32 10 13 ou chainethermale.fr. Faites les fêtes chez Géant. Jusqu'à dimanche, pendant les heures géantes, de 11h à 13h et à partir de 17h, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur les alcools. Oui, jusqu'à moins 50% sur les anisés, apéritifs et digestifs pendant les heures géantes. Remise sous forme de bons d'achat, hors champagne, vin, bière et cidre. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'RTL. Deux cas ont été lancés, ils sont très intéressants. Nous y revenons juste après les infos de RTL. Il est 10h. Les infos avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le fort de Brégançon, soi-disant trop difficile à chauffer en hiver. Et pourtant, Emmanuel et Brigitte Macron ont bien passé quelques jours de repos dans la résidence présidentielle du Var. Le maire de Bormes, Les Mimosas, a posté une lettre du chef de l'État sur les réseaux sociaux qui le confirme. En date d'hier, Emmanuel Macron remercie les habitants de la commune varoise pour leur accueil. Ces quatre jours parmi vous de réflexion, de lecture et de promenade ont accompagné avec bonheur la fin de cette année. Quelques gilets jaunes avaient tenté ces derniers jours de s'introduire au fort de Brégançon. Le couple présidentiel, lui, avait été aperçu vendredi soir dans les rues de Saint-Tropez. Alexandre Benalla a-t-il toujours l'oreille d'Emmanuel Macron? C'est en tout cas ce que laisse penser l'ancien collaborateur du président. Dans un entretien à Mediapart, il assure avoir régulièrement échangé avec le chef de l'État depuis son éviction cet été. La présidence avait pourtant assuré le contraire. Par ailleurs, Alexandre Benalla reconnaît avoir utilisé ses deux passeports diplomatiques pour voyager en Afrique. Une affaire de confort, selon lui. Et c'est face à un terrain miné qu'Emmanuel Macron va présenter ses vœux ce soir. Une allocution présidentielle à suivre à partir de 20h à la télévision, mais aussi sur RTL. Au même moment, des gilets jaunes ont appelé à un rassemblement sur les Champs-Élysées. L'an dernier, le chef de l'État avait affirmé vouloir rendre la France plus forte, plus juste, en insistant sur la cohésion nationale. Tout ne s'est visiblement pas passé comme il l'avait prévu. Dans ce contexte, la sécurité sera renforcée pour la nuit de la Saint-Sylvestre, menace terroriste, mais aussi la crainte de débordement en marge des manifestations de gilets jaunes qui appellent à se rassembler dans les grandes villes. À Paris, le secteur de la place de l'Étoile, lieu des festivités et du feu d'artifice, sera bouclé. Point de filtrage, contrôle dans les transports en commun. Au total, dans toute la France, près de 150 000 personnes, policiers, gendarmes, sentinelles notamment, seront mobilisées. Les gilets jaunes, une marque de vitalité de la démocratie, c'est l'analyse de Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, qui s'exprime ce matin dans les colonnes de Midi Libre. La démocratie qui dormait sur elle-même s'est secouée d'un coup. Une bonne expérience citoyenne et civique, selon elle, Christiane Taubira, qui compare le mouvement des Gilets jaunes à Nuit Debout, mais aussi aux Américains d'Occupy Wall Street ou encore aux Espagnols de Podemos. Carlos Ghosn n'en a pas fini avec la justice japonaise. La garde à vue du PDG de Renault a été de nouveau prolongée de 10 jours jusqu'au 11 janvier. Le franco-libano-brésilien est soupçonné d'abus de confiance. Il avait déjà été mis en examen il y a 3 semaines pour avoir oublié de déclarer 38 millions d'euros de revenus au fisc japonais. Et puis à l'étranger, toujours, la Russie affirme à l'instant détenir un Américain suspecté d'espionnage par le FSB, les services secrets russes. Un Américain donc qui serait détenu par Moscou, qui serait détenu à Moscou. La Bourse de Paris, ouverture en hausse pour la dernière séance de l'année 2018. Une tendance qui se maintient depuis, plus 0,54%. Le CAC 40 actuellement autour des 4 704 points. La météo pour cet après-midi, moins humide mais toujours gris sur le nord de la France. Des nuages doublés de nombreux brouillards, souvent denses et généralisés. Soyez prudents. Dans le sud-ouest, le brouillard va laisser place à un ciel bien encombré dans la vallée de la Garonne. Sur le reste de la moitié sud, un temps ensoleillé, notamment près de la Méditerranée. Les températures, il fera 5 degrés cet après-midi à Clermont-Ferrand, 8 à Lyon, 9 degrés à Biarritz et à Nantes, 10 à Paris, 13 à Marseille, 14 à Bastia. Les courses à Vincennes cet après-midi, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet, il vous conseille de miser sur le 8, sur l'As, le 16, le 13, le 14, le 15, le 12, le 6 et la dernière minute, c'est le 13, best du Oti. Il est 10h03 sur RTL. Vous retrouvez Julien Courbet. Merci beaucoup. D'autres infos tout à l'heure à partir de 11h. Voici le point info sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30 sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Nous avons démarré avec cette histoire de voiture, Céline. Une voiture à plus de 13 000 euros, achetée en janvier chez un pro et depuis pas de carte grise. Rappelons quand même que nous avons eu la concession Peugeot, puisqu'il est rentré dans une grande et sérieuse concession Peugeot de Villeneuve-d'Ascq, a tout fait pour qu'il continue à conduire avec cette voiture, la concession Peugeot essayant de dénouer la situation avec son propre organisme de crédit. Mais une nouvelle fois, le patron Hervé Pouchol fait tout pour que le client soit satisfait, prêt d'une voiture, renouvellement des papiers, et il est même prêt à le rembourser s'il le souhaite. Alors un rendez-vous a été pris, ça sera mercredi prochain. Monsieur Mazur va recevoir Frédéric. Ils sont partis sur un échange du véhicule, donc ils sont tombés d'accord. Il a plusieurs véhicules qui pourraient correspondre. Et monsieur Mazur va faire un geste commercial. Il va offrir 2 révisions complètes à notre ami Frédéric. Et là, je poursuis avec Monsieur Mazur concernant Crédit Part. Alors justement, nous essayons d'avoir Crédit Part, non pas parce que maintenant le problème va être résolu, mais pour comprendre ce qui se passe, comment l'organisme de crédit de Peugeot peut empêcher un client de Peugeot d'acheter une voiture. Où en est-on, Charlotte, avec Crédit Part? Alors, Bernard a pris l'appel, il était en contact avec la société. Bernard, non, malheureusement, les codes qu'on nous a donnés sur le dossier ne rentrent pas parce que c'est entre professionnels. Donc c'est pour ça qu'on va appeler Monsieur Mazur avec Hervé, et il va faire le lien, Hervé. Si Monsieur Mazur, alors maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de voir si vous pouvez me trouver un siège de Crédit Part pour essayer d'avoir la direction, on gagnerait du temps. Ça, c'est le cas numéro 1. La règle d'or a été donnée par Maître Novakovic. Pas de paiement, pas de chèque, tant qu'on n'a pas vu la carte grise. Le deuxième cas est intéressant. Je pense qu'on va trouver des choses intéressantes. C'est le cas de Philippe. 1924 euros pour des meubles achetés sur Internet. La livraison devait avoir lieu en mai. Et maintenant, il attend le remboursement. Alors, nous allons appeler le site. On marque une petite pause et on va essayer de comprendre comment un site Internet vous dit « Achetez nos meubles, vous les achetez le 29 avril. Et aujourd'hui, vous avez vu la date. Impossible de livrer à chaque fois. Oui, problème de transport. » Qu'est-ce qu'on leur dit exactement, Charlotte? Eh bien, on leur dit d'abord qu'il y a simplement un retard. Le retard se répète. Au début, ça devait être livré début juillet, puis finalement mi-juillet, finalement fin juillet, finalement début août. Alors, Philippe, il en a eu marre. Le 11 août, il a demandé le remboursement. Tout vous fera peur, sauf nos prix. C'est ce qu'il y a marqué sur leur site. Et je ne dis pas que c'est le cas. J'insiste bien là-dessus, mais vous savez comment ça se passe avec les sites Internet. N'importe qui peut monter un beau site Internet. Vous avez l'impression que c'est un gros vendeur de meubles. On vous vend des prix qui défient toute concurrence. Encore une fois, je suis désolé, mais si But n'arrive pas, je cite But, mais citons d'autres marques de vendeurs de meubles, Conforama, IKEA, Conforama, n'est pas capable de vous faire les prix qu'il y a sur ces sites, c'est qu'il y a un problème. On sait bien que But achète des millions de meubles. IKEA, pareil, par jour, donc au niveau prix, ils sont imbattables. Donc eux, ils font moins cher, mais comment font-ils pour faire moins cher? Il faut remplir un conteneur qui part de l'autre bout du monde, et tant qu'il n'est pas rempli, pour le coup, on ne vous livre pas, parce que ce n'est que parce qu'ils en ont acheté 10 000 qu'ils peuvent vous le vendre à ce prix-là. D'ailleurs, le vendeur l'explique très bien. Il dit au départ, c'est notre fournisseur qui a pris du retard, qui effectivement, donc dans la fabrication, voilà. La tout ce que vous dites, eh bien maintenant, ils n'ont pas peur de l'écrire. Mais moi, ce qui m'horripile, c'est qu'une fois qu'ensuite, on pense que le meuble a été fabriqué, que les meubles ont été fabriqués, ils baladent leurs clients depuis le 2 juillet en disant, ça y est, ça va être expédié, ça y est, le transporteur a chargé. Bon, et depuis le mois de juillet, rien n'est arrivé, Julien. Mais bien sûr, parce que ce n'est pas parti. Alors, il va falloir qu'il nous donne une explication. Et cette explication, vous allez la voir et vous allez nous écouter. Ça va se passer dans quelques instants. On fait le numéro du site. Voyons comment ils vont nous expliquer que depuis le 29 avril, il y a un petit retard dans la livraison. Ça y est, c'est parti, ça arrive, c'est demain, c'est après-demain. On a une nouvelle date, c'est la Saint-Glinglin. Bonjour, c'est Thomas Hugues. Tradition oblige, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de prendre de bonnes résolutions et je serais curieux de connaître les vôtres, tiens. Parce qu'il ne faut jamais laisser un proche qui a trop bu reprendre le volant. Moi, j'ai toujours une chambre d'amis ou un canapé-lit à disposition et s'il faut confisquer les clés de voiture, pas d'hésitation. Pourquoi ? Parce que la nuit, un accident mortel sur deux est causé par l'alcool. Alors ne laissez pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière. Tous responsables. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues. Quel est l'intérêt d'être supersonique pour un criquet ? Et comment les films débronzés sont-ils devenus cultes ? On vous raconte les animaux extraordinaires, mais aussi, vous l'avez compris, les bronzés. C'est tout à l'heure, c'est à 14h sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, ils sont verts. Chez Lidl ? C'est pas trop tôt. Mais non, c'est les citrons qui sont verts, patron. Ici, ils ont plutôt la banane. En ce moment, le filet de 500 grammes de citron vert est à 1,40€. 1,49€ le filet de citron vert. Là, tu vois, tu vénères. Je vois. Mais vous pressez pas le citron, patron. Hein. C'est le vrai prix. Prépare-toi à avoir des petits pépins. Ouais, t'es malin, hein, tu sais, très malin. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 2,98€ le kilo. Catégorie 1, origine Mexique, Brésil ou Guatemala. Plus d'informations sur Lidl.fr. Vous écoutez le 9h30. On va revenir sur les meubles dans quelques instants. On avait déjà lancé l'appel, mais j'étais tellement concentré sur tous les cas que Charlotte va nous dire si on a eu nos amis des meubles qui n'ont pas livré la chambre depuis le 29 avril. Mais là, Hervé Pouchol, vous avez lancé une alerte. Pouvez-vous nous dire pourquoi sur RTL ? On revient sur le cas de Frédéric. Frédéric, il a acheté une voiture à plus de 13 000 euros et depuis, pas de carte grise. Alors, que se passe-t-il ? Alors, on a eu ce super patron qu'on aimerait rencontrer plus souvent, Monsieur Mazur de Peugeot, qui fait tout pour que ses clients soient satisfaits. Et ils le sont, c'est ce que nous a dit d'ailleurs le client. Absolument. Vous aviez une interrogation concernant Crédipart. Oui. Eh bien, j'ai la réponse. C'est quoi ? Et c'est Monsieur Mazur qui va vous la donner. Monsieur Mazur, alors, qu'est-ce qui se passe alors avec Crédipart ? Ah, c'est pas si facile que ça. Non, en fait, quand on achète un véhicule, donc il y a plusieurs provenances, hein, surtout en occasion. Là, le véhicule devenait d'une provenance locative. Donc, l'ancien propriétaire, en fait, avait loué sa voiture auprès de Crédipart. C'était un collaborateur Peugeot, en plus. D'accord. Et de là, Crédipart, en fait, nous cède la voiture. Donc, nous la facture. Et de là, nous, en tant que professionnels, nous devons passer une déclaration d'achat. Et là, en fait, Crédipart, dans une déclaration d'achat, on a le nom d'un ancien propriétaire et une date. Et là, pas moyen d'avoir la date et pas moyen d'avoir, en fait, le nom. Donc il y a une erreur certainement, peut-être d'orthographe. Mais, hein, alors, je vous pose la question bêtement. Est-ce que le grand patron de Crédipart, à un moment donné, il ne peut pas dire, bon, allez, peu importe la date, machin, on y va ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas avancer ? C'est un petit peu ce qu'ils ont fait la semaine dernière concernant la date. On nous a donné, en fait, qui a marché. Hein. Et là, aujourd'hui, ce qui manque, en fait, c'est le nom de l'ancien propriétaire. Alors, Crédipart, en fait, peut s'appeler à plusieurs appellations. On peut l'appeler Peugeot Financement, on peut l'appeler Crédipart, on peut l'appeler Peugeot Finance. Donc, si vous voulez, on a essayé en fait pas mal de dons. On n'y est pas arrivé, donc on les a relancés en fait pas plus tard que la semaine dernière, pour dire que ça ne marchait toujours pas. Et là, c'est monté, vous dire oui, très très haut. Donc, je suis. Vous leur dites qu'on vous a appelé, que ça serait bien que ça soit résolu dans la journée. C'est ce que je vais faire. Merci Monsieur Mazur, merci beaucoup. Je vous repasse Hervé Pouchol et je vous souhaite une belle journée. Et je compte sur vous pour les deux ventes que vous m'avez promis. Ah bah oui. Maître Nocoy, j'étais déjà en train de feuilleter le catalogue Peugeot. Pour tout vous dire. Merci beaucoup. Il perd pas le nord. Très bien. Allez, on y va. Il y est d'ailleurs, il est à Villeneuve-d'Ascq. Nous allons revenir donc sur le cas de Philippe. Alors, je vois sur le site palmarès Capital. Alors, c'est pas Capital, l'émission de télé que je présente le dimanche soir. C'est le magazine Presse. Vous savez que ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens pensent que ça, c'est deux choses, c'est la même chose. Pas du tout. Comme quoi, ils auraient été primés comme nouveaux sites d'innovation, etc. Bah, alors, justement, vous allez voir que malheureusement, la réalité est tout autre, puisque quand vous les appelez, Charlotte. On m'annonce d'abord un temps d'attente de 4 minutes, et puis au bout de 4 minutes, on me dit que toutes les lignes sont occupées et on tombe sur une boîte vocale qui nous permet de laisser un message seulement. Alors, moi, je sais pas. Moi, je veux bien qu'un site vende des meubles, etc. Mais si vous tombez sur des boîtes vocales, si personne ne répond, il y a quand même lieu à s'inquiéter. Je lance donc un appel. Je pense que ce sont deux frères, ou peut-être le fils et le père, Mustapha et Remzi Agak Bekler. Mustapha et Remzi Agak Bekler. Merci de nous donner vite des nouvelles. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce site se trouve en Belgique. Vous le saviez quand vous avez acheté, Philippe ? Oui, on a vu que ça fait... Est-ce que c'était en Belgique, effectivement, mais on a une adresse dans le Nord, à Beauchep, je crois, et le numéro de téléphone est en France, donc ça nous a pas... Oui, à Beauchep, c'est dans rue de la Gare, exactement. Oui. Bon, voilà, donc il faudra... Oui, le problème, c'est que, est-ce qu'il y a une adresse ? S'il y a une adresse en France, le tribunal est en France, quoi qu'il arrive, si c'est une petite succursale. De toutes les façons, on peut choisir le lieu de la livraison, ce sont des législations européennes, donc on peut plaider en France. Après, il faut exécuter là où la société a son argent, donc ça peut être en Belgique, mais il ne faut plus avoir peur maintenant des achats en Europe, parce qu'il y a une plateforme pour régler les litiges européens, et il y a une procédure aussi simple que celle que nous avons au tribunal d'instance, qui existe au niveau européen maintenant. Ça se passe par Internet, c'est vrai que c'est impressionnant, mais maintenant, ça existe. Bon, en tout cas, j'espère que nos amis belges vont pouvoir nous aider là-dessus. On a eu tout à l'heure un début d'explication, et on les a appelés, ils nous ont dit « Parce que vous avez commandé une chambre, monsieur, mais le problème, c'est que le reste de la maison ne rentre pas dans le conteneur. » Donc, on essaie d'en savoir plus maintenant avec Conforium. Conforium, et nous attendons d'avoir monsieur Agathe Bekler. Il aurait pu s'appeler The Blues, ça aurait été encore mieux. Monsieur Agathe The Blues. Nous allons donc passer à autre chose, si vous voulez bien, Céline. C'est Stéphane, il a réservé un appartement en Espagne. 3 heures avant d'arriver, on lui annule sa réservation, mais on lui prend quand même 490 euros. Tous les cas avancent, hein, vous aurez des alertes. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire maintenant, à ce niveau de l'émission, c'est « Si tu savais combien je t'aime ». Ça se passe sur RTL, la suite, à tout de suite. C'est ainsi que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles, plus de force dans les bras. Ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement. L'amour s'éteint, il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains. Hier est encore aujourd'hui, il durera aussi demain, dans des regrets endoloris, dans le foulard des parfums. Seul, définitivement, balayé par le vent. Sur un banc. Marc Lavoine, seul définitivement. Seul définitivement, le troisième extrait de l'album de Marc Lavoine. Je reviens à toi. Marc est actuellement en tournée avec RTL. On fera un point info juste après ça. Quoi qu'il arrive, sachez que 2019, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, froid ou chaud, nous serons là entre 9h30 et 11h avec une seule mission, régler vos problèmes. On le fait depuis 20 ans, ça ne va pas s'arrêter. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette électrique, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Patrick! Vous aussi changez pour l'électrique et devenez l'énergie qui change tout. Jusqu'au 15 janvier, pour tout nouveau contrat d'énergie, EDF vous fait gagner des vélos. Électrique! Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Règlement sur edf.fr/moi-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous entendez ce bruit? C'est Fatou qui bêche le seul lopin de terre qui lui reste après avoir été expulsé par une multinationale. Là, ce sont des tronçonneuses qui détruisent les ressources naturelles et aggravent encore la faim dans le monde. Et là, c'est le bruit de mon stylo qui fait un chèque au CCFD Terres Solidaires pour que demain, chacun mange à sa faim. Pour lutter contre la faim, tout le monde peut faire un geste. Donnez sur ccfd-terresolidaires.org. CCFD Terres Solidaires. Tous humains contre la faim. Monoprix, tu sais que t'es fan de l'océan quand tu mets la photo d'une étoile de mer à côté de celle de tes enfants sur la cheminée. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'océan quand tu vas chez Monoprix et que tu vas 6 fois devant le rayon poissonnerie mais juste pour sniffer de l'air iodé. C'est le réveillon chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. La bourriche de 24 huîtres Oléron numéro 3 est à seulement 12,90€ jusqu'au 31 décembre. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Maître Novakovic et Maître Fellono sont avec nous ce matin et nous aident à avancer sur le cas notamment de Frédéric. 13 000 euros pour sa voiture achetée en janvier, il attend la carte grise. Tout va bien, mais Hervé Pouchol, super patron, Monsieur Mazur de Peugeot Villeneuve d'Ascq. Il y aura remboursement ou échange, c'est notre auditeur qui va décider. Et il espère du nouveau de l'organisme de crédit. De la part de Crédipart, il est même monté très très très très haut, Monsieur Mazur, qui propose un rendez-vous mercredi à Frédéric. Il part plutôt sur une idée d'un échange. Le cas numéro 2, c'est celui de Philippe. Il a payé plus de 1 924 € de meubles pour sa fille et on devait les livrer en mai. Depuis, il attend. Alors là, on est un peu inquiet parce que Conforium Charlotte ne répond pas. Le site à qui il a donné 1 924 € le 29 avril et il n'a toujours rien. Non, je suis sur deux lignes différentes, deux numéros différents et pour l'instant personne alors qu'on est en plein pendant les horaires d'ouverture. Il se passe quelque chose, Bernard ? Oui, j'appelle moi Conforium comme l'a demandé Charlotte en parallèle et j'ai choisi de faire une nouvelle commande et je suis passé de 4 minutes à 2 minutes. J'ai gagné 2 minutes. Ah. Bonne idée. Attention, il pourrait y avoir une alerte sur leur site. Il y a marqué satisfait ou remboursé, sécurité du paiement, garantie qualité-prix, livraison rapide. Alors j'appuie sur livraison rapide et là je vois qu'ils utilisent plein de formules pour vous livrer dans les plus brefs délai. Je rappelle que ça a été acheté le 29 avril et le plus bref délai aujourd'hui, rien n'est arrivé. C'est un truc de dingue. Troisième cas. C'est Stéphane. On va l'accueillir sur l'antenne. Il a réservé un appartement en Espagne. On lui a annulé sa réservation le jour même et pourtant, il a quand même payé 490 €. Allez Stéphane, vous êtes le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Bonjour Stéphane. Alors, on vous écoute. Pour faire simple, donc, avec mon épouse, on a réservé donc, cet été au mois de juillet un appartement en Espagne. Donc par le biais d'un site très connu, donc dont je dirai pas le nom actuellement. Mais nous le dirons tout à l'heure quand nous allons les appeler. Voilà. Donc il s'avère que le jour même de notre arrivée, donc quand nous avons eu par SMS l'hôtelier en Espagne qui nous a dit avoir annulé la veille notre réservation pour des problèmes de plomberie et avoir prévenu le site en question. Et ce site ne nous a pas prévenu en fait. Et donc nous avons été obligés de trouver un logement, on va dire à l'arrache, il faut le dire comme ça, en dernière seconde en Espagne. Et le pire, c'est que là, fin septembre, début octobre, nous avons eu un prélèvement de 490 € sur notre compte par l'hôtelier qui avait annulé notre réservation au dernier moment. Et wow. Depuis, le site... qui pour moi est responsable de ça, ne veut rien savoir. Alors Bernard Sabat va intervenir dans quelques instants certainement pour un coup de gueule, mais Charlotte, vous avez d'autres informations, vous qui avez enquêté là-dessus. Oui, parce que cet hôtel semble coutumier du fait. Exemple avec Raoul, il est espagnol. Il a réservé en avril ses vacances dans cet hôtel prévu en août. Il a tout de suite été débité du coût de la réservation, 869 €. Et il lui est arrivé exactement la même chose qu'à Stéphane. Écoutez, je vous fais la traduction en même temps. 48 heures avant l'arrivée arrivée à l'hôtel, je reçois un mail du site internet qui m'informe que la réservation est annulée parce que selon le propriétaire, il y a des problèmes de canalisation. Je suis indignée, alors j'essaie d'appeler le numéro de téléphone indiqué sur le site, un certain Tony, je n'ai pas de réponse. Alors j'appelle le site de réservation et on me dit que la seule solution est de me trouver un autre logement. Le site s'engage à me rembourser la réservation ainsi que la différence avec le nouveau logement. Booking s'offre à devolverme la réserve et à pagarme la différence de prix entre les 869 et le coste de l'appartement. Ne vous moquez de nous, de la traduction. Je vais vous faire quand même la traduction de Charlotte. Alors Charlotte, allez-y, traduisez-nous. On est arrivé en Espagne hier. Et là, vous entendez derrière. Il parle pendant 25 minutes et en 3 mois, elle retraduit. Alors, continue. C'est exactement ce qu'il a dit, je vous assure. Raoul s'est quand même rendu sur place et il s'est rendu compte que d'une part, que le lieu n'avait rien à voir avec les photos du site et qu'en plus, les appartements étaient bel et bien occupés. Alors depuis le mois d'août, il n'a touché aucun remboursement. Le site de réservation lui doit près de 1200 euros. J'ai aussi reçu un autre témoignage. Celui d'Agnès, elle est hongroise, donc elle est venue de loin avec sa famille et elle s'est retrouvée dans la même situation, c'était le 6 août. On venait d'arriver à Barcelone quand j'ai vu que j'avais un mail du site de réservation me disant que la réservation était annulée. Ils n'ont pas été capables de m'en donner la raison. Parlez le hongrois. Pardon ? Vous parlez le hongrois, madame. Exactement. Donc il lui est arrivé la même chose. Voilà, j'aurais répondu que j'étais là avec deux enfants et que je n'avais pas les moyens de payer une nouvelle réservation. Heureusement pour elle, le site a retrouvé un autre appartement et l'a remboursé de sa précédente réservation. Mais elle me disait que quelques semaines après son retour en Hongrie, elle avait été informée par sa banque que l'hôtel avait essayé de prélever de nouveau sa carte bancaire. Donc là, on est quand même... En tout cas, félicitations pour cette double traduction espagnole, hongrois. Tiens, on va essayer. J'ai un auditeur à qui il est arrivé la même chose. Essayez de traduire. Alors, ça tombe bien parce que je parle japonais aussi. Ah bon, bon, Bernard, coup de gueule. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Non, Bernard, ceci étant dit, c'est un site super sérieux, on va dire lequel, booking.com, qui envoie peut-être les gens dans des hôtels qui, eux, sont déjà un petit peu moins sérieux. Exactement, et c'est le problème du référencement, Julien. La loi est très claire là-dessus. Je vous rappelle que depuis le 1er juillet, la directive européenne est en train de faire transposer dans chaque pays la règle qui est de dire vous êtes facilitateur, donc vous commercialisez quelque chose, même si vous n'encaissez pas l'argent, dans la mesure où vous orientez, donc vous êtes responsable. Allez, c'est parti, nous allons nous occuper de ce cas. N'hésitez pas, si vous vivez les mêmes situations, ce n'est pas parce qu'on fait ce cas-là aujourd'hui qu'on n'en fera pas deux dans les jours qui viennent. Donc soyez les premiers, soyez prioritaires, RTL.fr, Facebook. Mais là, il faut aider Stéphane, le pauvre. Quelle galère, lui qui était tellement content. On a dormi dans la voiture et viva España. Le lendemain dans les ordures. Nocturne Dreamer. Appel à la plateforme de réservation pour le cas de Stéphane. C'est juste après la petite pause que nous marquons maintenant à quelques heures du réveillon pour le passage à 2019 sur RTL. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. Picard. Le moment de passer à table. La langouste juste rôtie. Et sa chair qui fond sur la langue. Je ne sais pas vous, mais moi, ce réveillon Picard, je ne vais en faire qu'une bouchée. Jusqu'au 31 décembre, avec la carte Picard et moi, les queues de langouste blanche des Caraïbes sont à seulement 44,90€ le kilo, au lieu de 59,90€. Picard, chaque jour un goût nouveau. Voir conditions en magasin sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Intermarché vous propose d'écouter 12,29€. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs? Bien sûr, mon chéri. En ce moment, chez Intermarché, le pack de lessive 3 en 1 Pots Original Ariel est à seulement 12,29€, avec en plus 70% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 6 janvier, pack de 972 grammes, soit 12,64€ le kilo. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Cyril, tu dis toujours Divet foie gras du Sud-Ouest. Parce que c'est Divet. Et foie gras, ça va avec Sud-Ouest, c'est comme ça. IGP, Canara foie gras du Sud-Ouest, Chalos, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie. Le deuxième album de Louane est à l'honneur sur RTL. Il est l'album RTL de l'année 2018. Pour le réveillon du nouvel an, RTL vous invite à passer une soirée exceptionnelle en compagnie de Louane. Merci aux gens de vous dire merci à vous, RTL et à Télé Loisirs. Une soirée remplie d'émotions et de surprises avec des invités prestigieux. Voici Patrick Bruel. Concert, interview et remise de l'album RTL de l'année. C'est ce soir avec Anthony Martin à partir de 20h15 sur RTL. Avec Télé Loisirs. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec ce problème de voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à voyager. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que les prix sont de plus en plus attractifs. Vous passez sur des plateformes de réservation. Malheureusement, après, ça peut être la cata. Et oui, Stéphane, on lui annule sa réservation de vacances le jour même de l'arrivée et on lui débite quand même 490€. Alors, c'est Booking.com, énorme plateforme. Mais d'après ce que nous a dit Bernard Sabat, aujourd'hui, la loi semble dire mettre Novakovic, écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes qu'une plateforme de mise en relation que vous n'avez pas de responsabilité, puisque vous prenez en plus une petite com au passage, donc vous devez assumer, on est d'accord. La loi et la jurisprudence, donc les décisions de tribunaux, sont de plus en plus sévères, effectivement, en ce qui concerne ce genre de procédé, parce que sinon c'est trop facile, ils mettent en relation avec les hôtels, et après ils disent, je m'en lave les mains, je suis Ponce Pilate. Ça n'est pas possible. Nous allons donc appeler qui pour vous, Bernard? Moi, j'appellerai évidemment Booking.com dans un premier temps. C'est après, parti. On appelle l'hôtel si vous le souhaitez. Booking.com afin qu'il maintenant il réserve pardon il rembourse les 490€ prélevés frauduleusement par l'hôtel, sachant que vous l'avez entendu peut-être tout à l'heure, Charlotte nous a sorti un autre client à qui c'est arrivé, puis un troisième à qui c'est arrivé. Ils sont pas bons cet hôtel, on se permettra de les appeler aussi. Et d'ailleurs Julien, si on s'aperçoit qu'il y a d'autres victimes, plusieurs victimes, et qu'il s'agirait d'une intention délibérée de la part de l'hôtel, je vous rappelle que quand une victime est française, elle peut déposer plainte devant Monsieur le procureur de la République en France. D'accord. Donc, on pourrait déposer plainte pour abus de confiance dans cette hypothèse. Et il faudrait également contacter la DGCCRF. Alors, nous allons avoir peut-être Booking.com. Non, pour l'instant, c'est de la musique. Dès que vous les récupérez, Bernard, vous me faites une alerte. Vous vouliez dire. Je veux juste rajouter un point important. Booking.com, son rôle, c'est de faire des référencements, mais aussi des déréférencements. Bien ça sûr. Veut dire si un hôtel n'est pas sérieux, n'est pas bien fiable, sûr. Et on a vu les exemples qu'on a évoqués là à l'antenne avec Charlotte, eh ben, on le sort de la liste. Mais on vous le avez laisse raison. Pas. Alors, dès que Booking.com répond, on vous mettra une petite alerte. Maintenant, on va tenter d'appeler peut-être Charlotte l'hôtel espagnol. Vous vous sentez de parler espagnol? On va essayer, mais juste une précision. Booking a depuis retiré ce site de sa liste. Bon, le souci, c'est qu'il y a eu quand même deux mois, juillet, août, pendant lesquels les clients se sont fait avoir. Il y en a des dizaines qui se sont fait avoir. Alors, Maître Felono, je ne vous propose pas de parler espagnol, bien qu'on se rappelle que vous aviez appelé le seigneur Tarin il y a quelques années, ce qui nous permet tous les 2-3 mois de le rediffuser. Donc, je vous remets dans le contexte. Ça se passe il y a quoi, 4-5 ans? Maître Felono appelle en Espagne pour essayer de régler un problème. Elle parle espagnol et l'interlocuteur, comme elle parle, comme le dit l'expression, comme une vache espagnole, ne comprend rien à ce qu'elle dit. Et là, Maître Felono se vexe parce qu'elle part du principe qu'un Espagnol doit comprendre son accent, ah, même claro si celui-ci si. Est terrible. Attention, c'était sur RTL, flashback. Señor Tarín, puede telefonar al señor Michel Roux en Francia para exponer el problema y buscar una solución. ¿Se puede? No entiendo nada, yo no sé. Ah, je parle pas bien espagnol, mais il faut faire un petit effort aussi. Mon type se fait insulter parce qu'il ne comprend pas. Oh, seigneur Tarin, qu'est-ce qu'il a pris? Alors, nous allons donc maintenant appeler cet hôtel qui apparemment encaisse plus vite que son ombre. C'est parti, c'est pas rigolo, hein, là on se détend parce que c'est un peu le but de l'émission, mais enfin, quand vous arrivez là-bas ou que la veille on vous dit qu'il n'y a plus de vacances et qu'on vous débite quand même, c'est quand même un peu louche. Nous appelons. C'est le game. Hola, señor. ¿Es Tony? Sí. Soy uno de sus clientes y tuve una reserva en su hotel en el mes de agosto y usted ha cancelado la reservación al último minuto. Sí, ¿a nombre de quién, por favor? De César Stefan. Sí. Y dos meses después de eso, tomando el dinero de mi cuento de mi banco. Bueno, pues lo voy a mirar enseguida porque tengo que hablar con Booking también respecto a eso. Enseguida sí. ¿Me puede mandar usted una? Porque aquí aparece el número privado. ¿Me puede poner un SMS en un número francés, por favor, y yo me pongo en contacto con usted? Sí, claro, pero usted tuvo unos mensajes del cliente, de Stefan Sesak. Entonces, conoce la situación y no responde. Bueno, yo sí que respondo. No, no responde. Il ne répond pas à Stéphane. Hein. Stéphane lui a envoyé plusieurs messages. Y tiene en el cucú. ¿Eh? Pero, señor, ¿por qué no reembolsa el dinero? Bueno, yo voy a mirarlo con Booking enseguida y le digo alguna cosa enseguida, ¿de acuerdo? Okay. Sí, yo me pondré en contacto con el teléfono, ¿de acuerdo? Que sí. Yo tengo. Sí, gracias. Vale, gracias. Merci d'avoir récupéré l'appel, Charlotte. Bravo, Charlotte. Alors, à un moment donné, j'ai entendu para eso, je ne vois pas ce qu'une station service va faire là-dedans. Mais, si para total, vous... para total. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il faut voir avec Booking, c'est en ça? En gros, il dit qu'il est en contact avec Booking pour régler le problème, mais bon, il botte en touche, quoi. Bien sûr. Alors, c'est quand même que vous le sachiez, hein, c'est l'appartementos mas... Pinel, Mas, M comme Jeanne, et Pinel, P-I-N-E-2-L. Appartementos Mas Pinel, si jamais vous voulez réserver, voilà, vous ferez votre propre opinion. C'est à Gérone, en Espagne. Et nous allons avoir Booking, on en est où? Écoutez, c'est très long, ils disent qu'il y a une forte demande et nous demandent éventuellement de procéder par mail ou d'être patient, c'est non, ce que non. Je fais, Julien. Et s'il le faut, vous allez nous faire un petit... Ça sonne, Julien. Duplexo. Alors récupérez, comme ça... Tout de suite. Allez-y, expliquez la situation. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour avancer sur ce dossier passionnant. Peut-être avez-vous vécu la même chose. Voyage raté, c'est la fessée. Voyage foutu, pompe au cucu, au 32-10. Ou bien sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Vous êtes sur RTL. Berne. Le meilleur de la bonne heure sur RTL. Tout au long de cette émission, nous allons feuilleter le livre de la bonne heure, une sorte de florilège de quelques moments que nous avons passés ensemble depuis la rentrée de septembre. Et pour ce faire, nous allons procéder à une remise des prix. Nous allons distribuer les à la bonne heure d'or 2018 à quelques-uns de nos invités. Et à la bonne heure, c'est toujours de l'or à 11h. À quelle heure? À 11h sur RTL. À tout à l'heure. Écoutez bien, vous n'entendez rien? Non, toujours pas. Et pourtant, ils sont là. En France, plus de 150 000 personnes vivent dans la rue et dans l'indifférence. Aidez-nous à agir. Donnez sur don.fondationabbepierre.org. Merci. Fondation Abbé Pierre. Être humain. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter la dernière offre de l'année. Chérie ? Oui ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le nouvel an ? J'aimerais bien des perles. Ok. Combien de douzaines ? Aujourd'hui, pour l'achat d'une bourriche d'huîtres fine de Claire Marraine Oléron numéro 4, la deuxième est offerte et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. La bourriche de 1,5 kg, soit 2 douzaines minimum, élevée en France. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL, nous sommes sur ce cas de voyage, Céline. Eh bien Stéphane, tout simplement, on lui annule sa réservation de vacances le jour même de son arrivée et on lui prélève quand même 490 euros. Pour l'instant, Bernard continue de discuter avec Booking.com. Il a un interlocuteur, il va nous en dire plus. Nous avons appelé la fameuse résidence en Espagne qui, elle, prend les sous mais annule pourtant la veille et elle dit boire avec Booking.com, moi, non merde. Voilà, donc nous attendons pour l'instant d'avoir Booking.com qui est quand même en première ligne, il faut le savoir. Bah ça, c'est pas bien passé. passé, Julien, je vais pas vous mentir. On m'a dit dans tous les cas qu'on ne parlait pas à une antenne de télévision ou de radio, peu importe, et surtout que le client continue à converser avec eux uniquement par un mail. Il n'y a pas d'autre moyen, disent-ils. Donc je vais appeler la direction au plus haut niveau, si vous me permettez. Allez, en parallèle. C'est parti, vous appelez le grand directeur Roger Prack, c'est son nom, Roger Prack, directeur de Booking.com, parce que Booking.com, qui se trouve avenue Hoche à Paris, c'est une boîte hollandaise, c'est ça, néerlandaise Non, anglaise, non. Ah, c'est anglais, Booking.com, oui, je ne savais pas. On va vérifier. J'ai dit ça comme ça au hasard, parce que je me souviens d'un bon séjour à Amsterdam, où je vous le rappelle, je ne sais pas si je vous l'avais raconté, j'ai fait, ça je vous conseille, j'adore faire des capitales comme ça en vélo. Je trouve que c'est la meilleure façon, non mais c'est vrai, de visiter une capitale. Donc on était en vélo et j'avais mes deux enfants, et le petit, le garçon était vraiment petit à l'époque. Et nous nous paumons, c'est la vérité, et on se retrouve dans une ruelle où il y a les vitrines, avec les dames toutes nues qui vous font « viens avec moi passer un bon moment ». Et mon fils a cette phrase, je deviens tout rouge en me disant « merde, comment je vais me sortir de là ?» Lui, regardez ça, sur son vélo. Et je n'ai même pas eu à sortir un mensonge. De lui-même, il a dit « oh, dis donc, t'as vu, papa, la dame, ce qu'elle fait pour vendre ses maillots de bain ?» J'ai dit « parfait, tu as entièrement raison, c'est une boutique de maillots de bain. » Les enfants sont formidables. Allez, tout ça pour vous dire, si tu savais... Combien je t'aime. Dans quelques instants, nous allons revenir sur le cas de Martine sur RTL. Et voici maintenant un grand standard RTL. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, est-ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble? Changer de planète tant que j'ai mon cœur près du tien. J'entends les flonflons de la fête et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, on s'aimerait quand même. Tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, est-ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble, nous deux? Quelle vie on a tous les deux quand on s'aime comme nous deux. Étienne Dao sur RTL, mon manège à moi. Écoutez le 9h30-11h sur RTL. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Beaucoup, beaucoup de choses dans cette émission depuis 9h30 et ça continue avec le cas de Martine. Réécoutez ce que Martine nous a dit le 11 octobre sur l'antenne de votre radio RTL. J'ai effectué une réservation de voiture pour les vacances. J'ai annulé. Mon contrat le prévoyait. Depuis, j'attends toujours que l'on me rembourse 514,55 €. Vous aviez poussé un coup de gueule, Bernard, vous allez le repousser pour qu'on comprenne bien pourquoi vous n'étiez pas content. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui vous avait mis en colère? Bah, écoutez, il n'était pas représenté en France, donc j'ai dit c'est quand même curieux pour un comparatif justement de location de voiture. C'est bien d'avoir des bons tarifs, mais quand même, il faut être présent au niveau du service après-vente. Donc j'avais appelé l'agence de communication qui m'avait promis que le client serait rappelé. Bah, demandez-lui à notre auditrice, elle a été rappelée. Alors, avez-vous été rappelé par Happy Car? Ma chère Martine, bonjour déjà. Bonjour, bonjour Julien. Donc non, je n'ai pas été rappelé par Happy Car. C'est nous qui les avons, comment dire, rappelés à plusieurs reprises. Bien. Et il ne s'est rien passé depuis? Alors, depuis hier après-midi, comme par hasard, nous avons reçu un mail en anglais nous disant qu'ils regrettaient que notre dossier n'ait pas avancé et de leur renvoyer un RIB pour qu'éventuellement on puisse se faire rembourser. Bon, bah, très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les rappelle une nouvelle fois? Oui, on va quand même les rappeler parce que je pense que c'est pas bien ce qu'ils font et c'est pas parce qu'on converse en anglais au dernier moment, à la dernière minute que c'est acceptable pour autant, Julien. Allez, nous appelons tout de suite à Picard, le grand spécialiste de la voiture surgelée. C'est parti. J'espère avoir quelqu'un cette fois-ci. Il va falloir parler en quoi maintenant? Moi, je ne parle qu'en français. En allemand, vous connaissez un peu? Ah, pas du tout, là. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. 20 Jahre. Aber ich habe alles vergessen. D'accord. Là, il y a un problème de son, comme vous l'avez vu. J'ai dit simplement, Julien, que ça fait 20, j'ai appris l'allemand pendant 20 ans, mais j'ai tout oublié. Est-ce que vous savez dire si tu savais combien je t'aime en allemand? Nein, ich habe alles vergessen. Bon, ça ne répond pas, malheureusement, du côté de Happy Car. C'est très embêtant, cette histoire. Comment peut-on faire pour avoir ces gens-là? Robert Schutz. Oui, c'est Robert Schutz, c'est le directeur. Mais vous voyez, là encore, enfin, je veux pas. Ça m'embête d'avoir à vous dire ça, mais quand vous prenez du Hertz, quand vous prenez du Avis, quand vous prenez du ADA, quand vous prenez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Europcar. Europcar, ça marche. C'est beaucoup plus facile après parce que vous avez une agence française en lui disant voilà ce qui s'est passé dans le pays étranger. Et là, je sais pas comment on va faire. Et l'argument de vente et de, on va dire, de promotion, Julien, sur les sites internet, c'est chez nous, on a une option, annulation gratuite. Bien sûr. C'est facile. Ben oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'après, vous ne les retrouvez plus. Donc, ils peuvent même vous vendre une voiture à quart de prix. Ce qu'ils peuvent surtout, c'est vous faire des promesses vaines puisque c'est depuis le 17 juillet qu'ils ont bien constaté l'annulation et qu'ils disent qu'ils vont le rembourser. Donc c'est absolument anormal. Nous allons continuer. Ne vous inquiétez pas, Martine. Happy Car, hein. Attention, HAPPYCAR. Voilà, faites attention et j'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir quelqu'un. On essaie non-stop. Sinon, j'ai envie de vous dire justice, mais enfin, on en est à un remboursement de combien? L'objectif était de rembourser 514 euros. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller attaquer là-bas? J'en sais rien. On attend le mail justement qui a été fait en anglais hier. On va attendre encore quelques jours, Julien, si vous êtes d'accord. Allez, je vous fais un bisou et on avance, Martine. Voici l'arnaque en temps réel avec Maître Novakovic. L'arnaque en temps réel aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h sur RTL. Maître, je vais vous donner cette arnaque et je veux que vous me la lisiez. Non pas trop façon Pierre Belmar, mais comme si vous étiez face à des jurés. Un grand procès d'assises et vous me le faites tel quel. C'est parti, écoutez bien ce que ça donne. D'accord. Eh bien, selon le journal Le Télégramme, un cuisinier originaire de Langouidic, dans le Morbihan, s'est fait passer pour un notaire auprès de la banque de sa petite amie en mars dernier. Mais au préalable, la jeune femme avait demandé à son agence de lui accorder un dépassement exceptionnel de 8000 euros de découvert. Et pour cela, parce que son établissement lui a refusé ce prêt, eh bien, elle a adressé plusieurs mails avec l'entête d'un notaire, d'un faux notaire en fait, en stipulant qu'une somme de 400 000 euros liée à une vente immobilière allait prochainement être versée. Eh bien, tenez-vous bien, les 8 000 euros ont bien été prêtés, mais le pot aux roses a été découvert quand la banque n'a rien vu arriver en retour. Le cuisinier a écopé de 4 mois de prison avec sursis et il a été condamné à verser 150 euros de dommages d'intérêt au notaire dont il a usurpé l'identité. Après les histoires du père Castor, retrouvez les histoires de Maître Novakovic. Alors qu'est-ce qu'il risque, ceci étant dit? Eh bien, il risque bien sûr, et d'ailleurs il a été condamné à verser, comme je vous le disais, 150 euros de dommages d'intérêt au notaire, mais également il a pris 4 mois de sursis, de prison avec sursis. Ce qui signifie que s'il devait réitérer effectivement de tels fait, eh bien, ce sera de la prison ferme qui l'encourra. Dans un instant, le point info sur tous les cas. RTL en fête. Il est temps de souhaiter des bonnes fêtes à nos auditeurs. Bonne fête. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Mono le prix. Tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant, n'est-ce pas? Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pétille le plus fort. C'est Noël chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle, 40% de réduction avec la carte pour l'achat de 6 bouteilles sur tous les champagnes Monoprix gourmets jusqu'au 31 décembre seulement. Monoprix, conditions de l'offre et de la carte en magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Parce que la foi est un trésor qui se partage. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance, de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur denier.catholique.fr. Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don. Le passage au prélèvement à la source ne modifie en rien le montant de cette déduction. Incroyable fin d'année ! Grande opération 100% remboursée à ne pas manquer dans votre géant et supermarché Casino. Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, des 100 euros d'achat bénéficiez de 100 euros remboursés. Oui, 100 euros remboursés si vous donnez le mot de passe Réveillon lors de votre passage en caisse. Alors n'oubliez pas, vos courses 100% remboursées aujourd'hui dans votre géant et supermarché Casino. Remboursement sous forme de 4 bons de réduction avec le mot de passe Réveillon, voire conditions en magasin. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. À 9h30, nous avons démarré avec le cas de Frédéric. Il achète une voiture à plus de 13 000 euros chez un professionnel, mais on ne lui donne pas sa carte grise. Nous tombons sur un super patron de concession, c'est Peugeot Retail Villeneuve d'Ascq. Un patron comme on les aime, qui fait tout ce qu'il faut. Monsieur Mazur a donné rendez-vous à Frédéric mercredi prochain. Ils partent sur un échange. Il y aura un geste commercial de la part de ce super patron de 2 révisions gratuites. Règle d'or. La règle d'or sur RTL. J'achète, y compris dans une grande concession, même si c'est très rare, je ne vois pas la carte grise. Eh bien, j'exige la carte grise et si on ne la donne pas, on ne remet aucune somme, on refuse la vente. Cas numéro 2, c'est le cas de Philippe. 1924 euros de meubles achetés sur Internet. On devait le livrer en mai. Maintenant, on attend le remboursement. Alors, ce site ne se trouve pas en France. Il est en Belgique, bien qu'il y ait une adresse rue de la Gare à Beauchep dans le 59. Et on a du mal à les avoir. Ça a été commandé le 29 avril. Aujourd'hui, ils n'ont toujours rien. Ils ne répondent pas, Julien. Je suis désolé. Et même Hervé a essayé de son côté en parallèle. Malheureusement, ça ne va pas du tout. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Conforium, Conforium qui se trouve rue de la Gare à Beauchep, où le siège en Belgique, Mustapha et Remzi Agabekler, merci de nous rappeler très très vite la règle d'or. La règle d'or sur RTL. Lorsque vous faites une demande de remboursement et qu'elle tarde, n'oubliez pas ensuite de faire valoir des droits pour percevoir des pénalités de retard. Elles vont jusqu'à 50% après 2 mois de retard et c'est l'article L241-4 du Code de commerce que vous devrez viser dans votre recommandé AR. Et puis il y a eu le cas numéro 3, l'appartement en Espagne. On lui annule sa réservation de vacances le jour de son arrivée sur place et on lui débite 490 euros. Un truc de dingue, Booking.com, nous les avons appelé, mais nous avons surtout appelé l'hôtel Apartamentos Maspinel, qui apparemment est coutumier du fait. Je dis bien apparemment parce que Charlotte nous a sorti quelques témoignages et lui, il nous dit va voir con la booking.com que vous avez appelé. Oui, Julien, et je viens d'en recevoir un texto à l'instant qui me dit la chose suivante, c'est la direction du groupe. Je ne suis pas disponible pour le moment. Te rappelle dès que possible, en cas d'urgence. Merci de m'envoyer un SMS. Je prends le dossier en main. Ça voilà. Marche. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'elle va pouvoir se faire et qu'il va pouvoir se faire rembourser. Stéphane, qui le pauvre, lui voulait partir en Espagne. Et vous imaginez que 2 jours avant ou la veille, on lui annule sa réservation. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Elle a dormi dans la voiture. Et viva España. Pour se consoler, on a pris une biture. Et viva España. On a bu toute la sangria. Et viva España. Il était bourré, je me suis trompé de faim. España, por favor. Voilà. Alors, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Ce ne sont que des suppositions. Nous mettons ça, bien sûr, au conditionnel. Nous allons, si vous le voulez bien maintenant, prendre Christian sur l'antenne d'RTL. Christian, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Eh ben, super, Christian, vous nous aviez appelé il y a quelque temps pour nous dire ceci. Je vous appelle de Gironde. J'ai réglé plus de 3000 euros à une société de déménagement. Elle ne m'a pas tout livré. Le camion de déménagement que j'ai payé aurait servi à déménager d'autres clients. Je me rappelle très bien de ce cas, Maître Fellono. Alors, nous avions appelé nos amis de Vaglio Déménagement. Nous avions eu beaucoup de monde. Que s'est-il passé, Christian? Alors, voilà. Donc, le 9 de ce mois-ci, on me téléphone en me disant « Monsieur Comprend, Est-ce que je peux passer chez vous, vous livrer votre marchandise ? Alors, je dis, il n'y a pas de problème, vous passez. Donc, à partir du 9, j'ai eu tout le mobilier, quoi. Eh ben, c'est génial, donc il ne manque rien. Non, il ne manque rien. Il y a eu un tout petit peu de casse, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Encore une fois, je rappelle que nous ne sommes pas un tribunal, loin de là, nous n'avons pas la compétence des juges, et quand on veut tout obtenir ou avoir des tas de choses, on va au tribunal avec un avocat, etc. Nous, on essaie de mettre des gens en relation pour que ça s'arrange, et chacun fait un petit effort, et là, Maître Novakovic, c'est une bonne chose, même s'il est tard. Oui, je suis contente, sachant que vous vous rappelez, on avait discuté l'histoire des mètres cubes, comment on peut évaluer, etc. Enfin, bref, l'essentiel, c'est qu'il ait récupéré ses meubles. Christian. Récupéré. Bon, comme je dis, bravo pour votre équipe parce que vraiment vous faites un travail formidable. Et j'ai appelé, je sais plus combien, à peu près une semaine de ça. J'ai eu donc le standard et je lui ai dit vous transmettrez donc à Julien Courbet. Ah, mais c'est pas du tout ce qui. Du travail. Bah, c'est pas du tout ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ils m'ont dit vous direz le grand con qui nous emmerde avec son émission. Alors, on m'a dit ça de votre part. Oui, je me doute. Bon. Et en plus, j'écoute, mais vous chantez très bien. Hein. Ah, mais écoutez, justement, comme Maître Novakovic. Nous a vraiment beaucoup aidé dans ce dossier. Si vous me permettez, j'aimerais lui chanter une petite chanson. Attention. De Johnny. Ah non, Johnny, je n'ose pas. Johnny, j'ai pas envie d'avoir de problème. Parce que là, à Maître Novakovic, je vais lui faire passer un message, voilà, comme on était en Espagne, espagnol. Viens voir le machipolata. Voilà une façon de draguer. Très romantique. Une façon de draguer ensoleillé. Merci, mon Christian. Allez, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. I don't wanna know, no. Who's taking you home, home. I'm loving you so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no. Who's taking you home, home. I'm loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. So the way I used to love you, no, I don't wanna know, no. Who's taking you home, home? I'm loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Still in my bed, maybe I'm just a fool. Drink the more I think about you. And I know I can't take it. Do you think that I should just go on without you? No, I don't wanna know. Oh, I'm loving you so. Don't Wanna Know. Permettez-moi de vous dire au nom de toute l'équipe que vraiment c'est un bonheur d'être avec vous tous les matins pour cette 19e année, je crois, entre 9h30 et 11h, et qu'on va tout donner en 2019 pour, avec le sourire, la bonne humeur, régler vos problèmes. Vous avez déjà assez de soucis comme ça. Si votre radio peut vous aider, vous alléger un peu, elle le fera avec plaisir. Alors, croisons les doigts pour qu'il n'y en ait pas, mais si jamais il y en a, nous serons là. Bonne année, mes amis. Bonne année du fond du cœur. Au meilleur des réveillons avec Carrefour Market. Pour le réveillon, j'aimerais profiter de mes invités et ne pas passer des heures derrière les fourneaux. Une idée ? Des huîtres, Michel. Oh, j'adore ! Jusqu'à ce soir chez Carrefour Market, la bourriche de 3 douzaines d'huîtres fines de Claire Marais-Oléron est à seulement 7,90€ les 2 kilos. Et tout le monde va se régaler. Et ce sont des filières qualité Carrefour en provenance de nos ostriculteurs français. Bon réveillon, Michel. Merci. Carrefour Market. Calibre numéro 4, soit 3,95€ le kilo, existe aussi en Normandie-Ouest. Bonjour, c'est Cyril Lignac. Les rois du gâteau sont de retour. Chaque jour, des pâtissiers amateurs tenteront de séduire mes papilles et celles du chef Frédéric Beau avec leur création originale. Objectif, devenir le roi du gâteau de sa région et voir son gâteau vendu dans une grande pâtisserie. Les rois du gâteau revient pour une nouvelle saison du lundi au vendredi à 18h45 sur M6. Cyril, tu dis toujours divin foie gras du sud-ouest. Parce que c'est divin. Et foie gras, ça va avec sud-ouest. C'est comme ça. IGP, Canara foie gras du sud-ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Occitanie. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Pour passer d'une année à l'autre, rien de plus simple. Écoutez RTL lundi soir 31 décembre à partir de 22h30. Nuit de la Saint-Sylvestre sur RTL. Jusqu'à 1h du matin. George Lang. Rendez-vous ce soir à 22h30 sur RTL. Bravo, Maître Novakovic, bravo, Maître Felono, qui est mais de bonne humeur, ah oui, ça fait du bien. Merci aux compagnons de la chanson, qui est avec nous, Hervé et Bernard. C'est Stéphane Bern dans quelques instants. Et bravo au travail de JB, de Charlotte, de Céline, toutes les équipes d'Alain Hazard sur une super réalisation de super. Xavier Kassovitch. À très très vite. Il est 11h. Voici les infos, c'est Alexandre de Saint-Aignan.